Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Justine Renaud nous éduquera et nous amusera dans sa chronique musico-scientifique Justine Bertine. Et Tania motivera son absence d'hier dans Tania is gonna entertain ya. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 12 novembre 2015, 166 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hey, Tania Baudin! Hey! Ça? S'ennuyais-tu de moi? T'étais pas supposé dormir aujourd'hui encore, toi? Ouais, mais j'ai réalisé que j'avais pas vraiment le pouvoir de faire ça, mettons. De dormir sans fin, genre. Exactement. Ouais. Tu vas nous raconter tantôt pourquoi j'étais pas là hier? Ben oui, je vais faire ça. Moi, j'ai avancé des théories, je me suis dit jour du souvenir à l'oublier. Ah oui, ça aurait pu. Ou encore, t'es vraiment contre nos vétérans, tu voulais pas t'associer à la guerre. Ah ouais, est-ce qu'on en a parlé hier ou bien... J'ai fait cette théorie-là que je te fais. Okay. Oui, c'est notre mot, là. Okay. Je me suis aussi mis un coquelicot sur le nez. OK. Comme un clown, mais hashtag respect, ça. Ben oui, c'est évidemment, fait avec respect, il faut. Ben oui, voilà. Donc, ta chronique, Tania, est-ce que la TTA tantôt va partir sur ton absence d'hier? Mais oui, en fait, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé et surtout qu'est-ce que j'ai. Donc, encore une fois, cette semaine, je vais essayer de me prendre pour une scientifique. Donc, je vais jouer le rôle de Justine encore. Ouais. Et je vais vous expliquer ce que j'ai, en fait. Et encore une fois, ça va parler de toi. Ben ouais, parce que t'es bonne pour l'autopromotion. C'est ça. Je suis bonne pour l'autopromotion puis je suis égocentrique comme ça. Hashtag aider Tania avec le numéro en bas de l'écran. Ah, puis ouais, s'il vous plaît, donnez généreusement. Aujourd'hui, donc, on a Justine Renaud à 8h pour sa chronique Justine Pertine, chronique musico-scientifique et scientifico-musicale. Elle nous présente un sujet de science et après ça, elle joue de la musique en lien avec ça. Et elle va en plus pouvoir peut-être analyser ta maladie et te donner plus de peut-être. Détails. Ta maladie, ton symptôme, ton syndrome, ta... Ma bébite. Officiellement, je crois que c'est un syndrome. J'ai fait des minuscules recherches de 3 secondes hier. Ouais, ben moi aussi, je vais t'avouer que j'ai eu le temps de faire des recherches. C'est ça. À l'hôpital. Ben oui, c'est beaucoup Wi-Fi. D'air. Est-ce qu'il y a Wi-Fi gratuit? Malheureusement, non. Le LTE s'est fait aller la petite queue. C'était... très long. Ouais. À 8h30, on fera une grosse pointe en dresse. C'est la chronique dans laquelle on mange des produits du tiroir. Oui. Donc, on s'est chacun procuré un produit cette semaine. Ah ouais, puis moi, comme une nounoune, je t'ai envoyé, c'était quoi? Ben oui, toi. J'ai dit, ben, spoiler! Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait pas qu'on sache à l'avance c'était quoi le produit? Il faut être surpris dans la vie une petite fois. Désolée, j'aurais pas dû, mais c'est peut-être... En fait, c'est plus parce que je voulais m'assurer que t'en avais jamais mangé. Ah ouais, j'avoue. Mais c'est pas grave. Prends un guess. Si j'ai déjà goûté, je vais te le dire, t'sais. OK, ouais. Ah. On verra. Ouais. Hey, bon, hein, blâme ça sur le syndrome. Là. Ouais, c'est ça. De toute façon, ma tête est ailleurs. C'est un petit tour de mémoire, c'est bien correct. C'est ça. Hey, en toute fin d'émission, ben, on parlera avec Samuel Girard de Junior Liberté. Toujours une partie de plaisir. On le mentionne parce qu'on sait que les gens attendent ce moment-là. On a bien du fun. Si on est au moment de mentionner des choses, je veux juste mentionner que l'émission de blues ce soir y en a pas. Est en relâche. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il va prendre soin de toi ce soir? Ben non, il est en congrès. C'est à l'extérieur. Aïe, aïe, ça vient de passer d'un format de 1 heure à un format de 2 heures, puis déjà, ça prend un congé. Ouh, ouais. On dirait Penelope McQuaid. Toujours en congé. Mais tu sais, quand t'es boss, t'as pas le choix. C'est ça. Ah, mais non, on l'adore, Denis Baudin. Mais oui, il nous écoute en plus de son congrès, là. De son congrès. Bon, donc, le Wi-Fi est-il gratuit là-bas? Sûrement. On sait pas. Sûrement. C'est l'émission d'aujourd'hui. Oui, on a commencé en retard, il y avait un petit problème d'internet, là on s'en sac, mais c'est pas grave. On commence l'émission avec Christelle de Philippe Braque. Oui. Puis après ça, on va... pas l'autre. On verra. On verra bien. L'émission commence demain. Comme ça, là. Sur un coin de table. Sur le fly. Voilà. Comme un coup de poing. Ah non, pas trop. D'un pas d'un coup. C'est ça. C'est un indice pour ce qui s'en vient plus tard. C'est ça. Faut garder l'oreille ouverte. L'oreille ouverte. L'oreille ouverte. J'espérais plus vieilliront jamais. S'éloigne à chaque essai. Mais toi, pendant que tu dors, le sommeil te berce, il te garde le fort. Entre tes deux oreilles, même pas l'onde d'un remords. Malgré les faux clins d'œil, les shots de fort, dans mon inconscient, dans mon angle mort. Vibrac! Christelle est bonne, cette chanson-là! Très bonne, hein? C'est un jeu de mots, t'as-tu entendu? Christelle! T'as entendu le jeu de mots comme que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Ouais, des blagues comme ça, faut pas que j'en fasse trop souvent, tu vas te faire mal aux côtes. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va s'acheter une côte levée, peut-être. Ah ouais? Oui. Comment ça, on achète-tu des affaires matin? Ben oui, c'est le moment d'acheter des gadgets sur Internet. Buy it now! C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Tant qu'à faire des blagues de coach, j'aurais dû dire qu'on se cotiserait sur, sur le paiement. Cotiserait. Une chance que c'était pas trop drôle. Yeah. J'essaye de faire des gags pas trop drôles pour pas te faire mal, je veux pas te blesser, je veux pas faire... on devrait être correct, je devrais survivre. C'était le jour vétérans hier, c'est le jour du souvenir, attention. Pris médicaments, c'est ça, ok. Donc, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des gadgets sur Internet, oui. Et on commence avec un manteau chauffé, chauffant. Ben oui. Chauffé, chauffant. Hein, se promener. Moi, je regardais surtout le gars sur la photo, là. Ben oui, il y a une barbe. Il y a une barbe de hipster, puis une chemise de bûcheron, puis un beau manteau chauffant. Ben, il y a la baie beau aussi. On se demande pas s'il y a un man bun en arrière, peut-être? Ah non, les cheveux sont beaucoup trop courts. Ah, d'accord. On n'aime pas ça, les hommes au man bun, ça dépend. Non. Mais non. Non, ça dépend pas vraiment. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. C'est, en tout cas. Donc, c'est ça, se promener au froid dehors. Hein? Ouais. C'est plat. Je suis d'accord avec toi. Donc, le Raven Heated Jacket, ultra léger, rempli de duvet. Mm. Et il y a un système de réchauffement intérieur qui va réchauffer ta poitrine et ton dos. Et il y a l'intérieur des poches qui vous permet de contrôler quelle partie de votre corps est chauffée. Et l'intensité de la chaleur, c'est compatible avec le système sans batterie de Raven. Donc, sans batterie est léger. Les gants sont sans batterie et sont très, très légers. Qui se branche les gants dans le manteau pour avoir de l'électricité, du courant. Et il n'y aura pas de court-circuit avec la pluie ou avec la neige. C'est durable, complètement lavable. Et c'est traité pour garder au sec de l'intérieur. Et comme bonus, le Power Pack au lithium polymère peut aussi recharger votre téléphone. Ouh. Et assez de jus pour recharger la plupart des téléphones intelligents 5 ou 6 fois dans le manteau. Donc, 160$ sur Kickstarter. Pas pire. Ça a du sens pour un manteau. On dirait quasiment que ça fait plus de sens qu'un Canada Goose à 800$. Ah, tu vois. Et tout ça pour presque 7 fois le prix sur Kickstarter. Donc, ils ont réussi à dépasser de 7 fois. Ils demandaient 100 000$. Ils sont rendus à presque 700 000. Il reste encore 17 jours. Donc, ça va vraiment atteindre des sommets inespérés pour eux. C'est par l'équipe de Raven, R-A-V-E-A-N. Pas Raven comme That's So Raven. Ouais, non. Non. Mais c'est corbeau. Bien, c'est bien. C'est génial. Est-ce que t'as vu qu'il y a juste seulement 3647 contributeurs pour autant d'argent? Autant d'argent, quand même. Exactement. C'est fou, là. Ensuite, on parle de squeegees. Non pas les squeegees au coin de la rue. Là. C'est les wiper squeegees qui vont squeegeer vos vitres de voiture alors que vos vitres descendent et remontent. OK. Hein? Donc, ça, je suis d'accord là, que c'est très intelligent. Oui, ben il y a une règle, des fois, les gens, il y a une règle non écrite qui dit que les fenêtres de la voiture ne devraient pas être baissées au moins 2 heures après avoir été au lavage à l'auto. Ah ouais? Apparemment, je sais pas trop pourquoi. Sinon, ça va faire des marques comme dans les vitres. On pourra pas s'en débarrasser sans sortir de la voiture et les frotter. Donc, pour ceux qui sont obsédés par la propreté de leur véhicule, c'est la réalité qu'ils doivent vivre tous les jours. Mais maintenant, avec Viper Swiper, ces jours-là seront terminés. c'est une bande de caoutchouc qu'on installe à l'extérieur de la voiture, en sandwich entre la fenêtre et la lèvre de caoutchouc régulière qu'on a après les fenêtres. Et le Viper Swiper va ensuite squeegee-er votre fenêtre quand vous la remontez, se débarrassant des marques qui seraient normalement là après un lavage. Ça demande une auto-installation, hein, donc vous devez l'installer vous-même, mais quand même assez simple, pas d'outils requis, autre qu'une paire de ciseaux. On va devoir les changer une fois par 3 à 6 mois, comme des wipers réguliers. Est-ce que tu changes ça aux 3 à 6 mois, tes wipers? Je dois avouer que non. C'est ce que je me disais. Donc c'est pas trop cher, 20$ pour deux bandes de 40 pouces qu'on coupe à la bonne dimension. Et si le Kickstarter sera à son but, vous devriez pouvoir recevoir ça avant février 2016. Donc on va aller voir leur page Kickstarter si ça avance un petit peu leur histoire. Ils sont rendus à presque 30 000. Ils sont à 23 500. Il leur reste encore 11 jours en date du 12 novembre. Ben, c'est bon. Ça devrait se rendre. Side Window Wiper par Viper Swiper. Eh boy, hein? Ça fait un beau hashtag. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est un skateboard relax. T'aimes les planches à roulettes électriques, mais tu veux pas changer ton skateboard pour un skateboard électrique nécessairement. Donc c'est le Mellow Skateboard Drive qui s'attache à votre planche à la place des trucks de 180 mm qu'il y a d'habitude sur votre planche à roulettes. Donc c'est solide, c'est à l'épreuve de l'eau et à l'épreuve de la saleté. C'est en aluminium, ça peut vraiment se faire frapper tous les bords, tous les côtés. 5,5 livres de poids total pour l'appareil et ça va vous amener à des vitesses de jusqu'à 25 000 à l'heure grâce à deux moteurs. C'est des cellules de haute qualité, des fournisseurs de Tesla, les mêmes fournisseurs que Tesla. Ça vous donne 10 000 de distance. La batterie est aussi changeable en direct. Et la planche, le reste des termes que je comprends absolument pas du skateboard, c'est contrôlé par une télécommande à la main qui accélère lorsque appuyé et freine lorsque tiré. Et c'est ça en plus. Vraiment, c'est un skateboard pour ceux qui sont lâches. Ben c'est ça, le Mellow Skate Drive, le skateboard paresseux ben pas de plate, là, mais... Pour combien, Mathieu? Pour 1215$, Mellow Boards. Quand même, hein? Tout cher, éclair. Mais la fonction qui est cool, comme je disais, ça accélère quand tu appuies, ça freine quand tu tires sur le levier. Et en plus, la deuxième fonction, ça va régénérer de l'électricité pour charger les batteries du skateboard. OK, ça, c'est bien. En même temps. Donc, 1215$. J'aimerais beaucoup que tu parles de l'autre, là, en dessous. L'autre celui article. Celui-là, là? Ah, en dessous du même article? Est-ce que tu le non, vois non, plus non, que non moi? Pas du même article. Juste l'autre en dessous. OK, celui dans la liste. De l'alcool. Oui. Parce que t'es fan de vin. Ouais, mais c'est tout parce que le nom m'a vraiment comme... Des marqué. Condoms à vin. Ouais. C'est des condoms à vin. Donc, pour que votre jus de raisin reste en forme, hein, lorsque tu lui as déjà pété la cerise, comme dit l'article, tu peux le receler avec un condom à vin. C'est un petit... condom. Il n'y a pas vraiment de façon d'autre de dire un caoutchouc, là, si on veut. Oui, ouais. Un condom qui va aller sur la bouche, sur les lèvres de votre bouteille de vin. Et ça va créer un seau, donc à l'épreuve de tout, qui va empêcher 99,97% des renversements. Mais j'ai vu que c'est intelligent. Tu sais, quand cool. tu as vraiment un bouchon en liège, là, ouais. bien souvent, c'est fâcheux que tu ne puisses pas la refermer. Oui. C'est difficile à remettre, en tout cas, un bouchon de liège pour l'avoir fait. Oui. Puis les bouteilles vissées, c'est pas pareil. Non. Non, pas pareil. Donc, 19$ et une pour un emballage. Pour seulement un. On va aller voir ça sur le site de firebox.com. Ça nous dit. Est-ce que ça nous dit. Qu'on peut mettre le condom soi-même ou aider, se faire aider par un partenaire. C'est un emballage de 6, voilà. Ouais, c'est ça. Emballage de 6. Et ça ressemble vraiment à un emballage de condom. Ça fonctionne pas sur les bouteilles de champagne. Il y a juste pas le petit bout au bout. Le petit bout au bout, pas de bout au bout. Fait que c'est vraiment un condom, mais... Pas de bout au bout. Pas de bout au bout. Et voilà. Et ça ajoute aucune hauteur à votre bouteille, donc ça va rentrer dans les mêmes endroits de votre réfrigérateur, par exemple. J'ai vraiment le goût de l'acheter. Ben, c'est cool, un emballage de 6. C'est pas si cher que ça. C'est le genre de cadeau qui se donne bien dans un échange de cadeaux à Noël. C'est surprenant pour la personne de recevoir des condoms. Puis là, ah, c'est une surprise, ah, c'est mais c'est parce que je sais que tu bois beaucoup. Est-ce que tu peux les réutiliser, contrairement à des condoms normaux? C'est dans l'article, c'est clairement dit dans le super long article, ben le produit sur le magasin. Ouais. Mais on va quand même pas tout lire ça. On reste dans le domaine du vin avec du Liège. Tu nous as parlé tantôt de Liège. C'est pour faire une petite ambiance, mettons, romantique. Okay. Lors d'un souper, des bouteilles de vin lumineuses grâce au bouchon de liège lumineux que t'achètes et que tu mets dans ta bouteille de vin que t'as déjà. C'est cute! Une alternative aux chandelles, lorsqu'on a besoin de romance un peu, c'est des USB Rechargeable Bottle Light de Sock UK en forme de bouchon de liège avec une lumière LED super brillante qui se recharge via USB. Ça prend une heure de recharge pour fournir jusqu'à 3 heures de lumière. Et c'est parfait pour recycler vos bouteilles de vin à la place de les jeter au recyclage. Et on peut utiliser des bouteilles colorées pour avoir encore plus d'ambiance. On peut acheter les USB Rechargeable Bottle Light individuellement ou en multi-paquet. Les prix sont de 7$ et plus, donc 7 pour un seul bouchon. Et on vérifie sur Amazon.com pour les prix. Tout est là. Mais je suis sûr que tu peux le faire aussi avec des bouteilles de bière. Sûrement, oui. En tout cas, moi, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, du moment que j'ai une bouteille de bière extrêmement froide dans les mains, automatiquement, j'arrache les étiquettes que tu... Oui, t'es de même, toi. Je suis de même. T'es stressée, je pense. Peut-être. Ces derniers temps, tellement. Ouais, hein. Je demanderai à mon médecin voir ce qu'il dit. Ouais. Je demanderai à ta chronique de tantôt pour voir si tu vas nous en parler. Exactement. Puis, d'après moi, ça serait super beau aussi dans, tu sais, comme plusieurs bouteilles de bière avec des bouteilles de... Oh, c'est cute. Tu c'est laisses mignon. Dans son six-pack, quelque chose comme ça. Pabster. Super hipster. Dans de la Pabst Blue Ribbon. Ah, oh, dans de la Pabst, rien mieux. L'emballage de 4 vaut 25,29$ sur Amazon.com. Ensuite, on aime pas juste le vin... Et la bière? On aime le café! Oui, t'aurais pu dire aussi bacon, t'aurais pu dire chocolat, mais oui, le café en ce moment. Non, je vous avoue que j'aime mieux le café. Oui, j'avoue que le café est au sommet de la liste. Tu demanderas le prix que j'ai payé pour ma machine à café. Fait 3 jours, le pas bu de café et... Ah ouais. Viens essayer la mienne, c'est vraiment... Ah, c'est un bon café. Bref, donc une tasse de café, même si vous êtes même pas proche d'un café ou d'une cafetière, en échappant, maladroitement, un cube de café dans une tasse d'eau chaude. Ah. C'est des cubes compacts, ça ressemble un petit peu à des... en fait, je dirais à des bartans de granola. Je m'en aurais dit ça aussi. C'est ça. C'est vraiment pas cute, non. Mettons. C'est, on dirait du babillard aussi, du liège, en fait. Oui, on vrai. Reste dans le domaine du liège, finalement, c'est pas mal ça. Donc, c'est des, c'est pas des cubes, c'est des, comme des prismes rectangulaires. Et donc, ça dit des cubes, ils appellent ça des instant coffee cubes, là, c'est complètement mental. Tant qu'à faire des cubes, faites donc des cubes, hein? Mm-hmm. C'est quoi ça, un cube? Non? C'est quoi ça, un cube? Ouais, on la pointe ici. Donc, les cubes compacts, c'est donc facile de les transporter n'importe où, dans un petit sac ou n'importe quoi, dans ta poche même. C'est fait de grains colombiens de la région de Okamonte. 19,99$ pour l'emballage de Instant Coffee Cubes. Il y en a 24 dans l'emballage par la compagnie Jiva Classic. Donc, les Jiva Classic Coffee Cubes Premium Instant Colombian Coffee Pre-Sweetened with Raw Unrefined Cane Sugar. C'est raffiné, c'est du sucre de canne non raffiné. Cru, donc qui sert de sucre dans ce café-là. La façon la plus facile de faire du café sur la go. Une fois que tu as bu ton vin, que tu as bu ton café, il va falloir que tu laves les dents parce que t'as mauvaise haleine, tu sais. Oui, en temps normal, c'est un vient après l'autre. C'est la brosse à dents Goodwill. À moins d'avoir une brosse à dents électrique, les chances sont très bonnes que ta brosse à dents soit faite de plastique cheap. Ouais. Et éventuellement, tu vas devoir l'acheter. Mm-hmm. Et là, ça coûte cher de brosse à dents par mois. Par année, t'es supposé les changer, je sais pas, aux 3 mois ou quand ton tube de pâte à dents termine. Et du moment que t'as la grippe aussi, après, il faut que tu la changes, je savais pas. Hein? Did not know that. Donc, c'est la Goodwill Toothbrush qui essaie de terminer ce cycle de la mort, de tout le temps jeter sa brosse à dents. C'est ça a 2 morceaux, une tête compostable avec des fibres Bing-Cotan qui combattent la plaque, la mauvaise haleine, les bactéries, les virus. Et aussi, un manche en aluminium anodisé. Réutilisable, qui est aussi un contenant pour mettre des affaires dedans. Donc tu peux l'acheter comme kit avec la soie biodégradable et le gratte-langue qui se connecte à la même poignée, ou encore prendre un abonnement qui va t'amener de nouveaux attachements à chaque mois par la poste. C'est vraiment cool. Et ça coûte combien tout ça? Ça coûte 30$ à partir de, hein, comme on l'appelle, à partir de 30$, j'imagine, pour l'ensemble le plus de base. Pas si pire. Non, ça a du sens. Est-ce que t'as vu qu'il en faisait en bambou? Ah, ben Colin, ben oui, toi. C'est beau en plus. Ouais, c'est beau, mais là. Ça a du style. Canto la brosse à dents fancy, là. Ouais, non, j'avoue, mais ouais, il y a des gens qui. Tu montres pas ça au monde, là. Ah, check ma brosse à dents. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais il y a des produits comme ça qui peuvent valoir la peine. C'est, mettons, le Squatty Potty, là, ça. Ouais. Qui peut servir à quelque chose. Ta brosse à dents, si t'as pas à l'acheter, tu vas économiser à long terme. Tu sais, si tu payes une brosse à dents réutilisable avec les têtes changeables. Ça vaut peut-être la peine à long terme. Je suis d'accord. Mais non, en effet, tu la montreras pas à grand monde, je pense. Ou si tu vas la montrer, tu vas faire rire de toi. Sûrement. Ensuite, Tania, tes enfants, un jour, peut-être, auront besoin de prendre des médicaments. Tu sais, j'ai eu un haut le cœur quand t'as dit « mes enfants ». Ouais, c'est, on blâme les côtes, hein. Ouais, c'est ça, c'est les côtes qui... Donc, les enfants qui ont de la misère à prendre leurs médicaments, c'est difficile des fois. Donc, c'est un dessin très intelligent d'un verre. C'est un Medicine Dispensing CP Cup, comme les verres avec un petit couvercle et un petit finalement, bec. Finalement, vous mentez à vos enfants, vous leur cachez la vérité. Ça ressemble à ça, parce que l'enfant, il y a un petit contenant qui se visse en dessous du couvercle du CP Cup, et tu mets le médicament dedans, et quand l'enfant va boire dans son verre en pensant que ça va être le jus qui sort du fond du verre. Ben non, c'est le médicament qu'il y a dans la petite capsule et ça paraît pas. Ça paraît pas, mais surtout, c'est que... Tu sais, on s'entend-tu quand t'étais jeune et t'avais à prendre du sirop? Ouais, là, tu le goûtes en maudit. Tu le goûtes en maudit. Ça vient me faire croire que ça goûte la même chose que le petit jus rouge, ouais, ça, là. C'est ce que je me demande aussi. Mais quand même, ça pourrait faire un petit, comme ils disent dans l'article, un petit chaser. Un petit chaser, c'est toujours bon. Ouais. Donc, 9,08 pour ce Medicine Dispensing Sippy Cup. Ensuite, allons-y avec... ça date d'avant l'Halloween, fait que je vais passer les costumes d'Halloween. On va y aller avec celui-là, tu sais. C'est les figurines des membres que Luke Skywalker a perdu dans Star Wars. Oh. Spoiler alert, il perd sa main dans Star Wars, Luke Skywalker. Donc, c'est la main perdue de Luke. C'est la première figurine de Sabercut, une série de figurines de Star Wars par rapport aux membres qui ont été perdus par tout le monde dans le film. Donc, les films, c'est par Alessandro Randi, qu'on appelle aussi Codex Zombie. C'est chaque figurine de 2,8 pouces en résine et numérotée et signée. Coûte entre 90 et 125$, dépendant de d'où vous l'achetez. Quand même assez cher pour une main qui servira pas à grand-chose. Est-ce que t'as vu le derrière de la boîte? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça décrit ce qu'il dit. Est-ce que tu veux que je le lise en anglais puis oui, tu fais la traduction? Ah, ça, c'est le fun. OK. A long time ago. In a galaxy, dans far, galaxie, far away, d'ici. Jedi's had a thing for les cutting Jedi limbs bien couper les with their lightsabers. Des gens avec leurs sabres lumineux. C'est terrible. Le derrière de la boîte dit qu'il tripait à couper des mains. C'est vrai. Quand tu regardes les films, c'est pas faux. Ouais, mais il y a une chose que je me souviens pas. Okay? Je suis pas la plus grande connaisseuse de Star Wars. Moi je non me plus souviens les avoir vus. Mais c'est pas... C'est Luke qui se fait couper la main, c'est pas Darth Vader. Mais je sais que c'est qu'ils sont parents là, mais ouais. Ça s'appelle Luke les deux. Je me souviens pas des noms, mais Luke, je suis ton père. Est-ce que tu dis cookie? Non. Cookie. Ou comme un corbeau, genre. Bon, là, je suis à dire que c'est les médicaments. Oui, c'est les médicaments qui parlent que t'as pris dans ton Medicine Sippy Cup. Et voilà. Voilà. Ensuite, on revient dans les breuvages, en fait. On revient à nos breuvages de tantôt. C'est une... Tu sais ce qu'on appelle une cantine en anglais? Une cantine, en français, c'est une cafétéria mobile, genre. Mais en anglais, cantine, c'est une gourde. Une gourde d'eau. Donc, si t'es en train de t'aventurer à l'extérieur dans les grands bois canadiens, enlever les choses qui ne sont pas nécessaires de ton sac à dos peut rendre le voyage un petit peu plus amusant et ton dos va avoir moins mal si t'as moins d'affaires dans ton dos. Donc, la pint canteen, ça vous permet de servir comme bouteille et comme verre. Et donc, c'est super compliqué comme façon de dire ça. Ouais, hein? Waouh, l'article est vraiment compliqué. Bref, c'est un verre de stainless steel qui garde vos breuvages chauds ou encore très très froids. Ça a une capacité de 16 onces. C'est disponible en deux couleurs. Granit, genre gris marbre un peu, ou encore noir carbone. Et c'est donc... c'est un verre et c'est une bouteille. Donc, quand tu... Mais c'est parce que je suis en train de me demander, tu sais, comme... Quand tu prends le fond pour en faire... Ouais, c'est ce que je me demande. La aussi, ouais, base de ton verre, ça coule pas? On va regarder la petite vidéo, OK? Ouais. Une petite vidéo, parce que je ne comprends rien moi non plus. On va écouter ça, attention. Est-ce que tu l'as de ton bord? J'ai jamais les vidéos de mon bord, apparemment. Je l'ai, mais c'est ça que je viens de dire, là. Ils viennent de prendre... Tu sais, il y avait rien dans le verre. OK, il est vide. Il est vide. Puis après ça, tu mets tes choses dedans. D'accord. Finalement, c'est pourri, là. Ben, si tu pourrais prendre de l'eau de source. Ben, c'est pour quand, mettons, t'es en camping, puis tu fais bouillir ton eau, ton café. Bon, ben là, tu peux l'utiliser, si j'ai bien compris. Mais il faut vraiment que tu prennes le fond de la bouteille pour en faire la base de ton verre. Dans le fond, c'est une coupe à la base et tu peux enlever le dessus et le visser en dessous pour faire une... C'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Je comprends. C'est ça. C'est spécial c'est un bizarre, peu. C'est bizarre, c'est spécial. C'est très spécial. C'est spécial. Maintenant, un kit pour réparer votre asphalte. Pas besoin d'appeler un contracteur pour réparer les cracks dans l'asphalte. Hein? Ah non. Ça couvre les cracks. C'est le Driveway Asphalt Ripper. C'est du tape. Couvre votre asphalte pour 8,73$. Ça a l'air bon, hein? Pas super. Ensuite, c'est une bouteille d'eau mangeable. Limitez votre environnement, votre impact environnemental tout en restant hydraté en amenant une bouteille d'eau mangeable. Donc, design anti-pollution, et c'est des pochettes remplies d'eau. C'est fabriqué à partir de matériaux biodégradables hygiéniques, et à l'intérieur, il y a de l'eau. Et tu peux littéralement manger de l'eau. Vraiment que je te dise à quoi ça ressemble? Ouais, voir. Des implants mammaires. Oh, ouais, OK. À vous, là. Ouais, ouais, non, non, ouais. Mais c'est des bulles d'eau que tu manges. C'est des bulles que tu manges. C'est bizarre. Ça a l'air le fun. Imagine, tu sais, t'es à la diète ou t'es une top modèle qui a pas besoin de manger rien à part des cubes de glace. Ben, tu pourrais peut-être manger des pastilles d'eau. Ouais, mais t'as l'air un peu niaiseux, hein, par exemple, parce que ça coule partout. Pis t'es pas capable de regarder la vidéo. T'es dans la face, hein, c'est ça. T'aimes pas ça. Trop d'informations. Mais t'es pas capable de regarder la vidéo, hein, toi de ton côté. Je suis jamais capable. Parce que là, on le voit, la fille, elle, comme, elle sort la bulle, pis tu sais, comme. Ok, je l'ai. Ouais, donc elle sort la bulle de son sac. Après ça, ça va mal les vidéos. Ok. Mange ça, mets dans sa bouche et la main est remplie d'eau après. Mais c'est parce qu'elle l'a pas mis au compte. Moi, je te gage qu'elle a essayé de prendre une bouchée. Comme si, genre, elle avait droit à deux bouchées d'eau, ça. Ouais, je vais en garder pour plus tard. Tu sais, si tu continues la vidéo en plus, là. Merde. Moi, je trouve que ça a l'air délicieux. Ouais, mais tu peux comme pas manger la couche, là. Il le mange pas. Ouais. Finalement, ça sert à rien. Il devrait en sortir avec différentes saveurs. Ah, ce serait une bonne idée. Ce serait pas pire, ça. Est-ce qu'on termine avec non, on va terminer là, t'sais. On termine là et on s'en fera d'autres une autre fois. Ça existe, je pensais que t'allais parler des cubes de café mangeables. Est-ce que tu veux qu'on en parle? T'sais, toi, t'es bonne pour que la chronique ne se termine pas. Attends, parle-nous des cubes de café mangeables. Ben, c'est ça, là, c'est des cubes de café mangeables. Mais c'est qu'on peut les mâcher, contrairement à l'autre où on devait le mettre dans l'eau chaude. Exactement, pour faire un café. On peut les mâcher. C'est comme des bonbons, en fait. Au café. Un petit boost d'énergie. Oui. Ça goûte vraiment le vrai café, selon l'article. Okay. Puis tu restes quand même avec beaucoup d'énergie. Même si t'as pas la petite machine à café fancy. Voilà. Ah, Mathieu? Oui, à 300 $. Ça coûte 20 $. Je sais pas t'en as combien, par exemple, pour 20 $. C'est sur Indiegogo. Ben, ça dépend de l'emballage. Pour 50 $... C'est une boîte de 20. Oui. Je pense non. Non? Ben, en tout cas, peut-être pour 20 $, là, mais je crois que celui-là est épuisé. En ce moment, à 50 $, on t'offre une boîte de 20 x 4 qui est parfaite pour partager avec les amis. 50 $ américains plus livraison. Ils ont atteint leur but sur Indiegogo, 114%. Donc, 31 000 $, presque 32 000 $ américains pour ces Go Cubes par NutriBox. Il y a trois saveurs, est-ce que tu as vu? Oh non, ça j'ai pas. Latte, café pur et mocha. Magnifique. Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais avoir en tout temps près de moi. C'est juste le cocktail là. Avec une petite bulle d'eau après pour faire des sens. C'est ça. Génial. Merci, Tania, de nous avoir amené à ce dernier article. Hey, ça fait plaisir quand tu veux. Ça nous amène à la prochaine pause et au retour, Justine Renaud sera là pour Justine Pertine. C'est dans quelques instants à Assemblage Rookie. Restez là. Assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est jeudi 12 novembre 2015 et Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. En effet, et on accueille par chance. Nous sommes des miraculés. Oui. Conception immaculée. On vient de créer de toutes pièces une Justine Renaud. Oh, comme oui. Ça va. Nous avons les morceaux. Nous avons la capacité de la reconstruire. Justine Renaud et Justine Pertine. Bon matin. Je sais pas si c'est parce que tu danses comme un robot que je pense que non. On a les morceaux pour te reconstruire chaque semaine. À chaque fois, la chanson. Ouais, ben, sérieux, oui.

J'ai quitté l'hôpital à 7h15. Du matin! Ouais. Aïe, aïe. Je suis arrivée à l'hôpital, il était 21h. Mm. Je suis partie, il était 7h15. Ouch. On m'a passé une batterie de test. Le premier étant des prises de sang. Oui. Je te le jure, on a dû me sucer comme 8 tubes de sang. J'ai eu 3 prises de sang différentes au courant de la nuit. Simplement parce que chaque test qu'ils faisaient arrivait à rien. Alors, ils s'en sont venus, en fait, à la conclusion que je souffre présentement d'une costochondrite. Costochondrite. Mais qu'est-ce qu'une costochondrite? C'est quoi ça? En fait, c'est une inflammation de la cage thoracique qui est reliée au sternum. Donc, pour vous situer un petit peu, là, l'anatomie de la cage thoracique, c'est une structure osseuse, évidemment, là, on le sait tout, qui protège l'intérieur des poumons. C'est surtout ça, là, c'est pour ça qu'on a une cage thoracique. Et les os sont durs et solides, puis ça n'a pas tendance à se plier ou se déplacer en temps normal. Par contre, quand nos poumons ont besoin de se déplacer afin qu'on puisse respirer de façon normale, quand on prend une grande respiration, bien la cage thoracique se dilate. Et pour ce faire, bien c'est relié avec les nervures qui, eux, ont besoin de quelque chose pour permettre le mouvement. Donc, finalement, ce qui fait bouger votre cage thoracique, si j'ai bien compris, c'est les nervures et le cartilage. Par contre, le cartilage, c'est un matériau souple, flexible, mais très fort qui se trouve dans les joints autour du corps. Donc, c'est ce qui vraiment vous permet de, quand vous respirez, que ça va suivre le mouvement de votre corps, finalement. Les cartilages sont attachés aux côtes du sternum. Et le sternum à la clavicule. Les joints entre les nervures et les cartilages, eux, sont appelés les joints costochondraux. Et ceux qui sont ceux entre les cartilages et le sternum sont appelés les joints sternocostales. En fait, qu'est-ce que la costochondrite? C'est souvent idiopathique. Donc, c'est un terme médical qui signifie que ça arrive d'une cause inconnue. Et il y a plusieurs cas comme ça de costochondrite. On n'arrive pas à savoir pourquoi ça arrive. Par contre, c'est une inflammation, une enflure des nervures et... comment je pourrais dire? Pardon. Des nervures et du cartilage dans les côtes qui fait en sorte que votre cage thoracique enfle. C'est ce qui m'est arrivé. Wow. Donc, les causes de ça, mais comme je dis, dans la plupart du temps, les causes sont inconnues. Par contre, il y a un certain nombre de facteurs déclencheurs qu'on peut repérer quand quelque chose nous arrive comme ça. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'étais juste comme, tu sais, je me suis pas cognée nulle part. Non, là, je me suis pas fait frapper d'un côte ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça peut arriver à la suite de ça. Ça peut arriver après un impact brutal, comme exemple un accident de voiture ou une chute. Ça arrive la plupart du temps après des efforts physiques dus à une activité intense et exigeante. Mettons que tu t'entraînes vraiment de façon intensive, ben ça peut arriver que tu souffres de costochondrite à cause de ça. Mettons que quelqu'un vomirait, mettons, est-ce que ça pourrait être une activité physique intense? Mettons? Oui, pour les côtes, la plupart du temps, oui. C'est une question d'ailleurs que le médecin m'a posée à savoir si j'avais été malade. Il y a certains virus ou affections respiratoires aussi qui arrivent, qui peuvent amener ça, comme exemple la tuberculose ou une grosse toux. Tu sais, quand vous toussez de façon très creuse, profonde, ça peut arriver que vous allez justement faire une inflammation au niveau de la cage thoracique par rapport à ça. Et des mouvements répétitifs que vous faites à tous les jours, que vous ne vous rendez pas nécessairement compte, mais qui peuvent justement être liés avec ces parties-là du corps, peuvent arriver à une costochondrite. Oui. C'est pas très, très compliqué. Les symptômes, c'est... J'ai vraiment un bout de tonde pris dans la gorge. Ah bon, désolé. Il n'y a pas de problème. En fait, les symptômes, c'est vraiment une douleur spécifique à la poitrine au niveau des 4e, 5e et 6e côtes du côté gauche. Ouais. OK. Donc, la plupart du temps, ça va tout le temps arriver du côté gauche du sternum. Puis c'est comme ça qu'on va savoir que c'est une costochondrite, en fait. C'est que ça arrive toujours du côté gauche. La douleur, par contre, peut se propager dans le dos jusqu'à l'abdomen. Oh. Et moi, au moment où je suis arrivée à l'hôpital, justement, je croyais à un certain point que c'était le pancréas ou même la rate, parce que j'ai déjà eu une mononucléose. Et j'avais mal aux mêmes endroits. Ouais. Donc, on le sait, c'est comme quasi impossible d'avoir une mononucléose une deuxième fois. Par contre, c'est des tests qui vont vous faire passer si jamais vous arrivez avec une costochondrite, parce qu'ils cherchent la cause, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a une. Donc, ils vous font repasser, en fait, toutes les batteries de test inimaginables. Et en fait, ça pourrait s'aggraver quand vous bougez ou que vous étirez ou que vous respirez profondément, là. Donc, la douleur va être encore pire dans ces moments-là. Puis, simplement savoir que dans ces types de symptômes, ça peut aussi être accompagné de d'autres types de conditions. Exemple, une crise cardiaque. Ça peut amener à une crise cardiaque. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'ils m'ont fait les premiers tests de sang et qu'ils ont vu que j'avais pas de problème, exemple, avec le foie, le pancréas ou la rate, ils m'ont fait passer un électrocardiogramme parce qu'à un certain point, ils se disaient « OK, mais peut-être que t'es, peut-être t'es en train de faire un AVC. » Fait que là, j'ai juste comme « Pardon! » C'est ça, oh. J'ai comme ouais. « j'ai comme pas de problèmes familiaux par rapport à ça, outre ma grand-mère qui est décédée de ça. » Ah, mais, ben c'est à peine. Tu sais, j'ai 23 ans, là, pis c'était comme « C'est pas grave! » Fait que les m'ont branché de partout, fait un électrocardiogramme d'à peu près 20 minutes, là, pour être certain que tout était beau. Par la suite, ils ont refait des tests à savoir si j'avais pas justement une deuxième mononucléose. Mm-hmm. Et la troisième... Parce que ça peut arriver, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver si on a une fatigue extrême. Là. Puis déjà, quand, en premier lieu, si vous avez eu une première mononucléose, on vous êtes déjà. Plus faible. Ouais. Donc, c'est on très est rare. Toi et moi. Ouais, c'est ça. C'est très rare, mais ça se peut. Mm. La troisième, en fait, ce que j'ai trouvé drôle quand même, la troisième option de la médecin que je voyais, c'était un caillot au poumon. Hi, OK, ça a l'air sérieux. Elle dit, sauf que t'es vraiment jeune pour faire des caillots au poumon, parce que la plupart du temps, c'est les personnes âgées qui font ça. Donc, wow. On m'a fait passer des radios, évidemment, pour les côtes, savoir si c'était cassé, et aussi des radios des poumons pour savoir si j'avais pas justement des caillots de sang à l'intérieur du poumon. C'est comme Bruce Willis disait « Yippee-ki-yo, motherfucker! » Ben oui, évidemment. Mais rassurez-vous, la costochondrite, ça dure pas éternellement. Vous allez survivre si jamais vous avez ça. En fait, dis-toi ça toi-même. Ouais, tu vas survivre. Je vais survivre. Les traitements pour la costochondrite, c'est pas très, très compliqué. C'est des analgésiques, donc des antidouleurs et les médicaments anti-inflammatoires. Les Advil extra puissants, genre. C'est ça. Fait que depuis deux jours... Ah, puis beaucoup, beaucoup de sommeil, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui va aussi... empirer, mettons, un peu la costochondrite. C'est d'animer l'émission du matin. Ben, c'est de la fatigue chronique. C'est ça. Je sais pas alors, c'est peut-être qu'on a ça. Ou, comme l'a si bien dit ma docteure durant la nuit, de l'épuisement. Ah, ben, t'en fais trop, t'as et du stress. Ouais. Donc, faites attention à vous. Moi, je souhaite pas ça à personne. Là, parce que, avez-vous déjà essayé de dormir dans une salle d'attente d'hôpital? Mousse, que le temps est long quand t'as mal aux côtes, hein? Ah. Surtout quand t'as même pas de Wi-Fi gratuit. Puis ben oui, surtout. Puis en plus, j'ai fait des constatations quand même assez bizarres durant la nuit, là. Quoi? Tu sais, comme... D'après moi, ils veulent que les personnes âgées restent conservées le plus longtemps possible durant la nuit à l'hôpital parce qu'ils ferment le chauffage. Puis là, plus tard, j'ai su que non, en fait, c'est pour diminuer la contamination de bactéries. Ah, OK, OK. Au moins, c'est pas l'austérité, genre... Ouais, au moins, c'est ça. D'argent sur le chauffage. Exact. Ouais. Puis j'ai aussi fait la constatation que seulement un médecin pour un étage complet, c'est peut-être pas assez. Non, à cette heure-là, il y a sûrement moins de monde qui y vont, mais ouais, il y en a quand même. Mais il y avait monde. Quand même des ambulances qui arrivaient en même temps. Trois ambulances pendant que t'étais là, c'est ça? Il y en a eu un petit peu plus que trois, okay. Parce que je suis restée plus longtemps que mon fameux post Facebook. Ton post Facebook était 3h du matin, t'es restée jusqu'à 7h. Je suis restée jusqu'à 7h, donc ouais. Oh boy, pauvre toi. Mais on est content de te revoir, Tania. Mais je suis contente d'être de retour. On voulait me prescrire quelques jours de congé. Oui. Et j'ai dit non. Non, attends un peu. Faut quand même comprendre que oui, tu vas avoir quelques jours de congé parce que notre semaine finit jeudi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que vendredi, samedi, dimanche, tu prendras lundi off. De toute façon, on peut être sûr, tu sais. Ben ouais. S'il faut, tu sais. Elle a juste simplement dit que je devais peut-être me coucher plus tôt et essayer d'en prendre moins à ma charge. On a peut-être tous besoin de ça. Quand t'animes à 7h30 le matin, couche-toi pas à minuit comme on fait, t'sais. C'est ça. Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je justifie ma non-présence d'hier. Ben, toute l'équipe est contente de te revoir et te souhaite un prompt rétablissement. Et tout le monde m'a dit de te faire le message. Fait que, le voilà fait. Merci beaucoup. Merci. On a tout le monde. Voilà. J'ai dormi intensément hier. Ouais. Bonne fête de semaine aussi. Oui, c'est sûr. On va se quitter avec une pièce de Baby Shambles. Oui. Si je me souviens bien, le titre est... Picture me in a hospital. Je trouvais que c'était plutôt de mise ici ce matin. On l'écoutera pour se quitter tout à l'heure. Ben oui, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va accueillir notre ami Samuel Girard de Génie en Liberté qui s'en vient dans quelques instants à 9h30. Salut Samuel, comment vas-tu? Hey, ça va bien! Hey. J'étais tellement pas prêt à parler. Là. T'es pas prêt? Je voulais qu'on prenne une chanson parce que ça va finir tard. Non, non, mais c'est pas grave, c'était juste celui que je tasse le micro. C'était juste ça que ça manquait. Là. Tes côtes vont bien? Comment si? Tes côtes vont bien? Mes côtes vont bien, moi. Okay. Ah, mais là, j'écoutais les, j'écoutais qu'est-ce que Tania décrivait, puis je me suis dit, aïe aïe, c'est un peu le, mon beat de vie, ça. Ouais. Ouais. D'avoir plein de projets, d'avoir un peu de stress à gauche, à droite, ça de pas dormir beaucoup. Ça stimule les projets, tu sais. Mais oui, oui. Ça stimule, mais il faut croire que ça a d'autres impacts négatifs à la longue. À la longue, c'est ça. Ouais, c'est ça. À ça la, va la, venir. La, la longue. Ouais, j'ai tellement vu venir avec ça. Ah, en plus, c'est un peu de ma faute. C'est ça. Bon. Donc, Génie en Liberté, ça revient à 9h30, émission d'actualité d'opinion. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, très simple, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a des grèves. Ah ben! Encore aujourd'hui. Ah. Ben oui, grève dans le secteur public, les écoles, les infirmiers, infirmières. Donc, évidemment, quand que ça arrive, j'aime s'en parler. Oui! On parlait contre, souvent. Oui, mais oui. Ça dépend trop par rapport à quoi. Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'il y a quand même plusieurs points que bien. Je... Oui, oui. Ben oui, il faut que je leur donne des points quand même. C'est juste que quand il y a des choses qui me dérangent, ben j'aime ça le dire, ça a l'air. C'est ça. Donc, c'est ça. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis censé avoir une représentante syndicale qui vient jaser ce matin. Intéressant. Oui. Le revers de médaille. Exactement. Oui, donc là, on s'en va faire une discussion interactive sur le sujet au lieu de juste moi qui dit bon, encore des trucs syndicaux partout. Outrage! Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va. Que ça va s'en aller, cette discussion-là. Évidemment, je veux parler... comment ils appellent ça? Le Flushgate? Oui, Flushgate. Oui. Hashtag Flushgate. Ouais, c'est ça. Ou le Cacagate que oui. J'ai entendu. Hey, as-tu vu l'excellent jeu de mots de quelqu'un? Je me rappelle pas qui, là, mais quelqu'un m'a tagué dessus comme disant que c'était de mon calibre. Oh! Continue de le dire, je vais le trouver pendant que tu parles. Parfait. Je vais t'écouter pareil. Fait que tu parles de merde dans ton show, finalement. Ah, boy! Oh, oui, c'est à peu près ça. Ça va être beaucoup de blagues douteuses qu'on va faire. Vas-y, sûrement. Justement, hein. Je l'ai. C'est Nicolas Falsimagne qui dit « L'histoire retiendra de Denis Coderre qu'il a été maire de Montréal. » Maire de Montréal, c'est excellent. Hashtag c'est trop vrai. Facile, hashtag Flushgate, mais on m'a tagué comme étant un jeu de mots à ma hauteur. Ah, c'est ouais. Excellent. Je l'adore. Non, mais j'aime vraiment ça. Ouais. C'est parfait. Bref. Sinon, qu'est-ce que... Oui, j'ai d'autres choses, hein? Ouais, c'est ça. Une heure et demie avec ça. Ben oui, c'est ça. C'est le retour de mon chroniqueur de sujet international. Oh, ouais. Lui qui était absent dans le dernier mois pour cause de croisière en Arctique. OK. Donc, c'est ça. Donc, il est revenu au Québec. Ouais. Et pour fêter ça, bon, on va faire une chronique avec lui. Il reste un mois et quelques à l'émission, de toute façon? Oui, c'est ça. Mais il devrait faire d'autres chroniques encore. Ah, d'accord. Que j'espère. Ouais. Donc, ça va être sur l'index de prospérité des pays. Ah, okay. Fait que ça va être très intéressant, j'ai hâte de l'entendre décrire ça. Comme je fais une fois par mois depuis le début de la session, ouais. J'ai un blog dépenses publiques encore cette semaine. Cha-ching! C'est ça. Mm-hmm. Donc on va faire aller la caisse enregistreuse et je vais toutes vous donner des super beaux montants que vous devez dépenser avec votre argent que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner dans notre vie. Ouais. Et j'ai aucune idée aussi qu'est-ce que ça va apporter de plus aux services pour lesquels on est censé payer. Mm-hmm. Hein? Comme Tania l'a sûrement remarqué, hein, c'est bien que tes taxes d'impôts vont pour la santé. Oui. Mais quand que tu remarques qu'il y a des millions et des centaines de millions qui s'en vont ailleurs, que tu sais pas qu'est-ce que ça apporte dans ta vie, j'ai le droit de me poser des questions et j'en ai noté plein pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça. Et sinon, on termine l'émission avec les résultats dans les 4 élections partielles. Ça a tellement passé dans le bar. Vraiment? Personne s'est rappelé qu'il y avait 4 élections partielles. Où ça donc? Un peu partout au Québec. Okay, okay. C'est ça. C'est les libéraux qui ont déclenché ça. Ah. Mais ils l'ont fait pendant la campagne électorale fédérale. Pour que ça passe inaperçu. C'est ça. Ben oui. Fait que je vais vous apporter les résultats, mais je ne m'étirerai pas là-dessus parce que c'était archi plate. D'accord. C'est ça. Et Steph, qui fait son retour cette semaine, elle qui était malade la semaine passée. Ah, chacun hein, son tour. Ouais, c'est ça. Ouais, chacun son ça. Tour. évidemment, elle a pas aimé mon speech sur les végétariens. J'imagine, ouais. Donc, c'est tu ça. Tu l'as fait cette semaine-là parce que tu savais qu'elle était pas là ou. Non, je l'avais fait pour faire un débat avec elle. Ok, c'est comme nous hier. On a fait une chronique sur le féminisme et ça a donné que Tania était pas là pour. C'est pour ça, en c'était pas prévu que Steph allait pas être là parce qu'elle a cancellé le matin même. Ah, mais moi, j'avais mis ça pour en parler avec elle. Et là, elle veut se reprendre cette semaine. Donc, on a ramené le sujet. Génial. Fait qu'en gros, c'est ça. On devrait avoir beaucoup de plaisir, ça devrait être assez varié comme sujet quand même. Comme toujours, en fait, c'est rare une émission où vous parlez d'une seule affaire pendant une heure et demie. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment entendu. On fait des thématiques, des fois, comme la semaine prochaine, ça va être une thématique santé. Oh, génial. Ouh. Oui. Génial. Aucun mot avec un T dedans, genre. Tu vas juste dire des mots qui n'ont pas de T dedans. Santé. Ah. C'est comme le livre pas de E, là, t'sais. Ça va être difficile. Difficile. Je suis en train de me dire... Je regarde mes invités, puis au moins, il n'y a pas de thé dans mes invités. Good. Donc, fais une chronique, pas de thé. Ouais, c'est ça. On a peut-être des chances de réussir. OK. Génie en Liberté à 9h30 tous les jeudis matin, et ça repasse les samedis matin à 10h. En plein ça. Voilà, merci Samuel Girard. Plaisir. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. On remercie Justine Renaud, bien sûr, avec Justine Pertine, Samuel Girard, comme on a dit. C'est pas mal tout. On avait personne d'autre. Merci à toi, Tania Baudin. Oui. Ben, merci, Mathieu Plante. Lundi à l'émission, ce sera le retour de Catherine Langlois avec la chronique plein air du club plein air UQTR. À tort, ben ils disent ça de même apparemment. Mm-hmm. Donc Catherine Langlois, lundi à 9h, on va être là entre 6h30 et 9h30 comme toujours. Sur nos ondes à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, ce sera la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 17h, Palmarès du Monde. Il n'y a pas de très blues assez fou ce soir. Non, pas de très blues assez fou malheureusement. Relâche d'une seule semaine. Une seule. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Baby Shambles. Comme on a dit tantôt, c'était Picture Me in a Hospital en dédicace signée d'en face de Tania. Exact. C'est ça. Puis, bonne journée. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne fin de semaine. Repose-toi bien. Ben oui. Que je te vois pas sortir, que je vois pas les photos sur Instagram de toi en train de prendre des shooters et des chasers. Premier. Je te check. Check. Tes réseaux sociaux. Oui. C'est tellement social. Je pose très bien. Elle pose rien la fête semaine. L'ermite, on va l'appeler l'ermite. The blood runs red and the bags are full of fire terrible, makes me powerful. Oh, on and on is still a song for me. I'm still around to sing it. Has a secret to hide away and never say, never know. And so it goes. And the blood runs cold and the walls are full of undesirables, reaching parables of false alarm. Still a charm for me. Just you wait and see. Each man had his freedom, and it was ours to say how to behave. Who's to say? So picture me in a hospital and the blood runs warm and the bags are full of you're terrible and I'm invincible. Oh, picture me in a hospital and the blood runs red, the bags are full of it's hysterical. Oh, but it makes me powerful. A false alarm is a skill, a song for me.